Ciao. Isha! J'ai dit Isha! Pow, pow, ouais. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, pute, pute, pute, pute. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Grosse moula comme ressage de Jack. C'est fiant sur tchèche, Mexique, Bambara. 9-3 chevalier gay du Zodiac. On parle, Aikido dans ce cas-là. Frère, parle-moi fort, baisse ta main. Ou je te raye de mon testament. Ratez l'heure à quelques centimètres du cœur avec un rugueur reste allemand. Marche pas seul dans les rues d'Aubert. Crains le prêtre et le mystique gris. Être le best et risquer de le prouver. Un ennemi mort, triste de retrouver. Fais-nous chauffer la frappe dans le pilon. Faire du sale, prendre une balle pour mille. Chico, pété, val, cancer, million. Une pénale de chiffres sans faire million. Toi t'es un minable, toi t'es un minable. Petite folle, t'as passé l'anneau. Sont choqués comme convoqués par Big Paul. Café l'anneau. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, pute, pute, pute, pute. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Les meurs et mille règles, les meilleurs comptes. Nous on ne se drogue pas, non. Sauf si le shit ça compte. Je préfère la mort à la honte, ouais. Elle connaît le goût de ma bite. Je marche du côté sale de la street. Aujourd'hui je peux te faire la bise. Demain rafale dans le pare-brise. Tu jacques, tu jacques, tu jacques, tu jacques. J'en ai rien à battre. Si tu mouilles pas, moula dans ta chatte. On te pète à tes enclis, on fait la brinque si tu te fais fumer. Enlève ton gueule si tu fais la dinde, j'envoie la purée. Tous les jours sur le rinté, je fais des une, deux. Je te pisserai pas dessus même si tu prenais feu. Fuis copier de cochon, veux prendre mon teu. Attends, je termine mon pochon, je te prends en le. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Quand le prêtre, quand le mystique gris. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, sortilège. Embrouille bagarré, pute.